maquiller. Je te ferai un safari, loin dans l'ouest de Paris. T'es plus ultra parisien que ton quartier trou de pain. Je te ferai un safari,